partir pour oublier, partir pour reconstruire. Traverser des royaumes, en fondant la piscine. Je rêve de prendre de l'altitude, je n'en vis pas ces gens, bercé de certitude. Je veux garder. Ceux qui s'en sont allés affronter les tempêtes en reviennent parfois s'imagent plein la terre. Et s'ils n'ont pas un sou, ils sont riches à leur manière. Ceux qui s'en sont allés vers d'autres hémisphères, partir en bord de mer ou en haut des montagnes, partir pour parce que sans espoir, nos vies ne seraient rien. Parce qu'on n'a qu'une histoire à écrire de nos mains. Tu disais qu'il faut toujours se méfier des leurs. Que ce qui compte surtout, c'est oublier nos peurs. Qu'il ne faut surtout pas mettre ses rêves en sourdine. Partir, c'est aussi retrouver ses racines.